de son enfance marquée par une mère très pieuse et active, dans l'Église est né son amour de Dieu. Quand à 9 ans, une vision divine l'enveloppe, Marcel Bungou entend des voix angéliques chantant les merveilles du Seigneur. Depuis, son chemin fut tout trouvé.